Waves Productions. J'en ai marre des pas de chance, moi aussi je veux la gloire et du pain chant. J'en ai marre des bas de chance, je suis enragé. Je veux sortir avec les anges, mais mon baillé. Je voudrais que ce trèfle à quatre feuilles m'apporte des billets. Une vie en rose, tous les paniers. Je veux pas que mon crew coule et soit oublié. Je veux qu'il soit le premier. Je veux une meuf pour les trois petits bébés. Mais pour l'instant, je suis qu'au début. Et je constate que la vie est délicate. Et pour mon cas, ça s'embellit pas. La chance combat contre moi comme une antithèse. J'ai l'impression que pour moi, c'est tous les jours, le vendredi 13. La chance est mauvaise et n'apparaît que dans les rêves. Et quand elle arrive en vrai, elle est trop brève et trop fuyante. Avec Toyer et Héros, on veut voir l'étoile filante. Je ne sais même plus ce que veut dire chance. Le mal est tellement banal que je la vois qu'à distance. J'en parle seulement quand le hasard fait bien les choses. Voir ce qu'on me propose, on m'expose aux causes de vivre au jour le jour. Je pavillonne entre les pavillons, les bas des tours. Je pas de bas des tours pour voir qu'il n'y a plus d'amour. Plus rien ne s'y prête, ni même les prêtres. Fais gaffe, le mal te guette. À cherche de pépette, combien suis tes quéquettes. Et guette n'est plus d'un scoop. Je ne changerai pas ma tête et encore moins ma coupe. Ma chance n'est pas la Star Academy. Des roulés en Ferrari, en fuite avec tragédie. Non, je vois l'Obi-Wan comme un Obi. Pas de Kenobi, mais T-Styler, Keiko et CKIP. Voilà ce que je pourrais nommer une chance. Avoir mon crew est ma seule récompense. Et ma seule récompense. Ouais, ouais, 2006. J'ai trop de niaque et trop d'envie, trop d'objets qui font vue. Que je réussisse à tous les accomplir, rien n'est moins sûr. Je fais partie des jeunes générations, des merdes dans le sang. Téméraire et inconscient de speed comme on sent. Enquête comme tout un chacun d'une quiétude. Loin des turpitudes, de la routine, des habitudes. On sait combien les temps sont durs. Je m'évertue pour ne pas être frappé d'infortune. Ce que je convoite tout au long de ma route, c'est la réussite. Pas forcément avantage et dès le départ. Quotidiennement je me bats pour surmonter les handicaps d'un black. Pour le zard de surcroît, ce que je veux croire qu'il faut guetter la chance et la saisir au moment opportun. Pour l'instant je suis toujours à l'affût comme une sentinelle. Je fais ma route et jusqu'ici tout va bien. Alhamdoulilah, si la vie est un jeu de cartes, je fais avec ma première main. Et juste un peu d'atout que j'ai afin de renverser la donne.